بسم الله والحمد لله إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد إن خير الكلام كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وإن شر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد. On commence le cours numéro 3 aujourd'hui, donc dans l'explication du Sharh de Sahih Muqaddimat Sunan ibn Majah, c'est-à-dire l'explication de l'introduction de Sunan ibn Majah, de Sahih de Sunan ibn Majah, de Sheikh al-Albani. Le Sahih, c'est-à-dire les hadiths authentiques du Sunan ibn Majah, c'est Sheikh al-Albani qui les a clarifiés. C'est-à-dire, c'est lui qui a écrit. Qui a séparé les hadiths sahih de Sunan ibn Majah des hadiths da'if. Il a publié Sunan ibn Majah en deux volumes, ou bien en deux parties, les sahih et les da'if. Et donc nous, les hadiths qu'on explique maintenant, c'est les hadiths uniquement du sahih. On va pas expliquer le da'if, puisque c'est da'if, il n'y a pas d'intérêt. Et en même temps, donc on est arrivé, donc c'est avec le charh de Sheikh Ubayd al-Jabiri. Sheikh Ubayd al-Jabiri, un parmi les mashaykh, les grands ulama de Médine. Hafizahullahu ta'ala. Et donc on est arrivé au hadith, et c'est ce hadith-là qui est très connu des gens de la sunna, parce que c'est une des références. C'est un hadith parmi les hadiths que les ulama de Ahl sunna, ils répètent sans cesse. Et il y a plusieurs hadiths comme ça, parmi les hadiths qui clarifient la méthodologie et le manhaj de Ahl al-Sunnati wal Jama'a, qu'on réentend à chaque fois. C'est bien à force de les entendre, souvent on arrive même à les apprendre par cœur. Donc ça, c'est très important. Et ce hadith-là, il a plusieurs versions, plusieurs narrations différentes, avec des variations dedans. On va le lire ensemble. Après, on va lire l'explication qui est reliée à ce hadith-là et la compréhension qu'on doit en tirer. Le cheikh, donc, il a mentionné le hadith suivant dans l'introduction de Sunan ibn Majah, dans le Sahih. Il dit « An Muawiyah ibn Qurra, an abihi radiyallahu anhu, qala Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, لا تزال طائفة من أمتي منصورين لا يضرهم من خذلهم حتى تقوم الساعة. قال الشيخ الألباني حديث صحيح. وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا تزال طائفة من أمتي قوامة على أمر الله لا يضرها من خالفها من خالفه لا يضرها من خالفه. قال الشيخ الألباني حديث صحيح. عن أبي عنبة الخولاني وكان قد صلى القبلتين مع رسول الله صلى الله عليه وسلم قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لا يزال الله يغرس في هذا الدين غرسا يستعملهم في طاعة الله. قال الشيخ الألباني حسن حديث حسن عن عمرو بن شعيب عن أبيه قال قام معاوية خطيبا فقال أين علماؤكم سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لا تقوم الساعة إلا وطائفة من أمتي ظاهرون على الناس لا يبالون من خذلهم ولا من نصرهم. قال الشيخ الألباني صحيح. وعن ثوبان رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم وعليكم السلام أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا يزال طائفة من أمتي على الحق منصورين لا يضرهم من خالفهم حتى يأتي أمر الله عز وجل. قال الشيخ الألباني حسن صحيح. Donc ça c'est, ici il y a 4 ou 5, 1, 2, 3, 4, 5, 5 narrations de ce hadith. La première, selon Muawiyah ibn Qurra, il dit selon son père radiyallahu anhu, que le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam a dit, il y aura toujours un groupe de ma umma qui sera victorieux. Et ceux qui les abandonnent ne leur causeront aucun tort. Hein, ils ne leur feront aucun mal. C'est-à-dire, ils ne vont pas leur nuire, hein, même s'ils les abandonnent. Et jusqu'à ce que vienne l'heure du jugement dernier. Khazalahum, si on veut donner un sens à ça, khazala, c'est dans le sens de désertion, une sorte de désertion, une sorte d'abandon. C'est-à-dire que khazala yakhzulu, c'est lorsque quelqu'un t'abandonne au moment où tu en as le plus besoin. C'est ça al-khuzlan. Donc les gens par exemple au moment de la bataille, quand on doit aller par exemple pour affronter l'ennemi, et puis eux ils partent, ils te laissent là comme ça devant ton ennemi alors que c'est là que tu en avais le plus besoin d'eux. C'est ça cette attitude là de tahdhil. Ou bien au moment où c'est le temps de défendre la vérité et de clarifier la vérité. Toi, au lieu de te tenir avec celui qui clarifie la vérité et qui expose le mensonge et qui défend la sunna, tu le délaisses, tu l'abandonnes à ce moment-là. Alors qu'il a besoin de ton support, tu l'abandonnes et tu le laisses lâchement. Hein? Tu désertes. Hein? Là, tu le désertes lâchement. Donc ça, c'est le sens de man khadalahum, c'est-à-dire ceux qui vont les délaisser lâchement ne vont pas leur causer aucun tort malgré leur désertion, malgré leur abandon, jusqu'à ce que vienne l'heure du jugement dernier. L'autre narration dit que il y aura toujours, c'est selon Abi Huraira radiyallahu anhu, que le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam a dit, il y aura toujours un groupe de ma umma qui va rester debout et qui va établir l'ordre d'Allah et le commandement d'Allah, et ceux qui s'opposent à eux ne leur feront aucun tort. Hein? Donc l'opposition ici, le fait qu'ils yukhalifoun, la yadurruhum man khalafahum. Donc il y a cette narration là avec le sens de contredire, d'opposer. Hein? Ouais, parce que eux ils se basent sur une des narrations à ce sujet-là. Mais on va en parler de ça. Parce que de toute façon, la yadurruhum man khazalahum, on sait que la victoire et le fait d'avoir la victoire sur les opposants de la vérité, c'est de deux façons. C'est avec les armes, mais c'est pas seulement avec les armes, c'est aussi avec les preuves et les arguments. Et la victoire avec les preuves et les arguments, elle est même plus importante parfois que la preuve avec la victoire avec les armes, parce que quelqu'un peut avoir la victoire avec les armes et ne pas être sur la vérité, hein? Tandis que celui qui a la vérité, qui défend la vérité avec les preuves et les arguments, et qui est capable de réfuter ses opposants et ses ennemis avec l'argument et la preuve qui vient d'Allah, dans le Coran et dans la Sunna, même s'il n'a pas la victoire sur eux militairement ou bien avec la force, eh bien il a quand même la victoire sur eux, hein, il est quand même victorieux, et c'est ça la plus grande victoire, la victoire de la aqida, de la croyance et de la vérité. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il était à Mecca, il n'avait pas de force, il était seul, mais il avait quand même l'argument et la force sur les mouchriquins, et il les combattait avec les arguments du Coran et les preuves du tawhid, et ça c'était la plus grande victoire contre eux, hein? Donc ça c'est, il faut pas penser que cet argument que les Khawarij essaient d'utiliser ce hadith là pour justifier ou essayer de faire croire que c'est eux les victorieux, où est-ce qu'elle est leur victoire s'ils sont victorieux, hein? Ils prétendent qu'ils ont de la victoire. Elle est où leur victoire? Ils ont même pas. Ils ont que des défaites. Hein? Ils réussissent peut-être à prendre quelque chose un certain temps, mais aussitôt qu'ils sont au pouvoir, ils sont écrasés. Hein? Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il avait prédit ça même dans le hadith. Il a dit chaque fois qu'une de leurs cornes va apparaître, elle va être coupée. Hein? Donc. C'est pas ça la victoire dont le prophète sallallahu alayhi wa sallam a parlé, et le groupe qui va toujours être victorieux. C'est clair que c'est pas les Khawarij, hein. Naam. Ensuite, le cheikh il mentionne une autre narration selon Inaba, hein, Inaba al-Khawlani. Il dit ici que Inaba al-Khawlani avait prié vers les deux directions, les deux qibla, avec le messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam. C'est-à-dire qu'il a prié vers Bayt al-Maqdis, comme c'était la qibla des musulmans au début de l'islam, puis quand il y a eu le changement après la hijra, il y a eu le changement vers la Mecque, donc il a prié à partir de ce moment-là vers Mecca, et donc il a prié dans les deux qibla. Il y a plusieurs d'entre les sahaba qui sont dans cette situation-là aussi. Et il dit, j'ai entendu le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam qui a dit, Allah va continuer à planter dans cette religion des pouces qu'il va utiliser dans son obéissance. Hein? C'est-à-dire des croyants qui vont être utilisés dans son obéissance. Il y a une autre narration selon Amr ibn Shu'ayb, selon son père, qui a dit que Muawiyah, il s'est levé et il a commencé à faire un sermon. Il a dit, où sont vos savants? Où sont vos savants? J'ai entendu le messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam, qui a dit, l'heure du jugement ne viendra pas, ne sera pas établie, tant qu'il y a un groupe de ma umma qui sont victorieux sur les gens. Et le fait que des gens les désertent ou les abandonnent et ne viennent pas à leur secours, ça ne les dérange pas, ça ne leur fait rien. C'est-à-dire que les gens les abandonnent ou que les gens viennent les aider, ça leur dérange pas du tout. Parce qu'ils sont sur le haq. Donc, si je suis sur la vérité, hein, que tu viennes me supporter ou que tu viennes pas, que tu m'abandonnes ou que tu m'abandonnes pas, je reste sur la vérité quand même. Et c'est pas le nombre qui détermine la vérité. Hein? C'est pas le nombre qui détermine la vérité. Donc, c'est pas le fait que tu me supportes qui fait que je suis plus sur la vérité que si tu me supportes pas. D'accord? Donc, c'est celui qui veut défendre la vérité et être sur la vérité, c'est pour lui-même. Celui qui veut abandonner les gens de la vérité, il ne fait du tort qu'à lui-même, en réalité. Il ne fait pas de tort aux gens de la vérité. Il fait du tort à sa propre personne seulement. Hein, donc c'est ça qui est important, hein, de comprendre. Celui qui trahit les croyants et qui trahit les gens de la vérité, les gens de la sunna, il se trahit lui-même en réalité. Il ne fait pas de tort aux gens de la vérité. Une autre narration selon Thauban radiyallahu anhu, que le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam a dit, il y aura toujours un groupe de ma umma qui va être sur la vérité victorieux. Ceux qui vont s'opposer à eux ne leur feront aucun tort jusqu'à ce que vienne l'ordre d'Allah. Maintenant, on va lire l'explication de ce hadith. Et le cheikh, il a mentionné à ce sujet quelques points bénéfiques dans l'explication de ces hadiths. « Di hadhi al-ahadith al-khamsa ittafaqat ala amrayn yajibu ala tullab al-ilm wa talibatihi la siyama المتصدرون ميدان الدعوة أن يجعلهما نصب أعينهم. Donc le cheikh il commence, il dit que ces cinq hadiths, ils sont tous d'accord sur deux points. Et ces deux points-là, il est obligatoire aux étudiants de sciences et aux étudiantes de sciences également, en particulier ceux d'entre eux qui sont à l'avant à l'avant-scène de la da'wah, ils doivent mettre ces deux significations-là et ces deux choses-là devant leurs yeux lorsqu'ils font la da'wah et lorsqu'ils appellent à Allah. Al-amr al-awwal al-bishara bi anna ahl as-sunnah la yafnun bil-kulliyah wa la tustabahu baydatahum bil-kulliyah بل ستبقى منهم طائفة حتى تقوم الساعة وفي بعض الألفاظ حتى يأتي أمر الله تبارك وتعالى والساعة في هذه الأحاديث وما هو في معناها هو مستفيض جدا وإن لم يكن متواترا تواترا معنويا يجب العلم والعمل وعندنا يجب العلم والعمل بالحديث الصحيح بغض النظر عن كونه متواترا أو آحادا هذا هو إجماع أهل الحديث أقول الساعة هي الساعة الصغرى التي بها ينتهي أهل الإيمان وليس الساعة الكبرى وهذه الساعة أخبر النبي صلى الله عليه وسلم عنها بأنه تهب ريح من المشرق مسها مس الحرير وريحها ريح المسك لا تدع مؤمنا ولا مؤمنة إلا قبضت روحه هذه ساعة نهاية أهل الإيمان ثم بعد ذلك تقوم الساعة التي هي الساعة الكبرى ونهاية الدنيا وأهلها وهذه تقوم على شرار الخلق الذين يتهارجون كما تتهارج الحمر يعني لا يقولون الله الله Donc le cheikh il explique première chose que dans ce hadith il y a une bonne nouvelle pour les gens de la sunna. Une bonne nouvelle pour les gens de la sunna. Et c'est quoi cette bonne nouvelle? C'est que les gens de la sunna, ils ne vont jamais disparaître de façon complète. C'est-à-dire, il n'y aura jamais une époque où on retrouvera personne parmi les gens de la sunna. Il y aura toujours des gens de la sunna présents à un endroit et à une époque, à toutes les époques. Dans un endroit spécifique ou bien dans plusieurs endroits à travers yani, le temps. Donc ça veut dire qu'ils ne vont pas être éliminés complètement. Ils ne vont pas disparaître complètement. Il y aura toujours des gens de la vérité qui vont rester à travers l'histoire jusqu'à la fin des temps. Par contre, c'est possible qu'à certaines époques, ils soient plus forts et à d'autres époques, ils soient plus faibles. Mais n'empêche que ils vont toujours être présents. D'accord? Et on va pas être capable de les écraser complètement. Il y aura toujours un groupe de ces gens-là qui sont sur la vérité et sur la sunna jusqu'à ce que vienne l'heure du jugement dernier. Et dans d'autres narrations, il est dit jusqu'à ce que vienne l'heure sa'a dans d'autres narrations jusqu'à ce que vienne l'ordre d'Allah ou le commandement d'Allah. Et le cheikh explique que ici dans ces hadiths, la signification de l'heure, c'est quelque chose qui est connu, c'est une chose connue, même si c'est pas mutawatir. En arabe, on dit mutawatir. Le terme mutawatir, ça désigne un nombre de personnes qui a rapporté le hadith qui a été rapporté par un très grand nombre de personnes. Donc, il y a certaines personnes qui distinguent le hadith de cette façon. Ils disent, il y a les hadiths qui sont mutawatira et les hadiths qui sont ahad. Les hadiths qui sont mutawatira, c'est les hadiths qui sont rapportés par un très très grand nombre de personnes, de telle sorte que il est impensable et inimaginable que ces gens-là se soient mis d'accord entre eux pour dire quelque chose qui serait faux. Ça, c'est qu'est-ce qu'on appelle mutawatir. Le hadith qui est ahad, c'est un hadith qui est rapporté par un seul ou deux personnes, petit nombre. Et le cheikh, il dit, mais selon nous, il est obligatoire de prendre la science et d'agir selon le hadith authentique, peu importe qu'il soit mutawatir ou qu'il soit ahad, peu importe. Du moment qu'il est sahih, c'est ça l'important. Et il dit que ça, c'est le consensus des gens du hadith. Tous les ulama de hadith, d'Ahl Sunnah, ils sont tous d'accord sur ce principe-là. Ceux qui ont ramené la question de mutawatir ou ahad, c'est les Mu'tazila. C'est les gens de la secte des Mu'tazila qui se basent sur leur philosophie et la logique grecque. Et c'est eux qui ont ramené le principe de tawatur dans le but d'exclure les hadiths qui parlent de la aqida en disant on n'accepte pas ces hadiths-là dans la aqida parce que selon eux, ce n'était pas des choses certaines. Il faut que pour eux ce soit certain, et la chose qui est certaine pour eux, c'est la raison. Les textes de la révélation ne sont pas une référence pour eux certaine, en particulier dans les questions d'Aqida. Mais ça, bien entendu, c'est une ruse du shaitan qu'ils ont ramené, parce que même quand il y a des textes qui sont mutawatir réellement, et même des textes, même dans des versets dans le Coran, et ils refusent de l'accepter. Il refuse même de l'accepter tel quel, il le déforme dans son sens et dans sa signification. Donc c'est la preuve que ces gens-là en réalité, ils prétendent vouloir la certitude, alors qu'en réalité c'est pas, on voit vraiment qu'ils jouent avec ça, et ils ont ramené cette distinction-là entre le mutawatir et l'ahad pour justifier justement leur attitude envers les textes, qui est une attitude incorrecte. Mais pour les gens de la sunna, selon le consensus, du moment que le hadith est authentique, alors on doit l'accepter, on doit y croire, et prendre la science qui est dedans et le mettre en application. Le cheikh, il dit, je dis, en ce qui concerne l'heure qui est mentionnée dans ce hadith, l'heure du jugement, c'est pas ici l'heure du jugement dernier final. C'est plutôt la petite heure. C'est-à-dire l'heure de la fin des gens de la foi. Pourquoi? Parce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a expliqué que avant le jugement dernier, il y aura un vent qui va venir de l'est. Et ce vent-là, il l'a décrit en disant qu'il était plus doux que la soie. Et il a l'odeur du musc. Et il ne va pas laisser aucun croyant ou croyante sans prendre son âme. D'accord? Donc, ce vent-là va venir avant la fin des temps, avant l'heure du jugement dernier final, pour prendre l'âme de tous les croyants. Et l'heure terminal, l'heure du jugement dernier, final, la grande heure du jugement dernier, si on veut, la fin des temps, la fin du monde, ça va venir après que tous les croyants soient morts. Et c'est pour ça que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit que l'heure du jugement ne viendra que sur les pires des créatures. Hein? Des gens qui ne disent pas même Allah. Allah. Hein? Et donc c'est pour dire que l'heure dont il est question dans ce hadith, c'est l'heure avant l'heure du jugement dernier, c'est la petite heure si on veut, al-sa'atu al-sughra. Bon, parce qu'il y avait un terme ici, j'arrive pas à le traduire bien, donc yataharajun. Donc je vais laisser ce mot-là parce que je suis pas certain de sa signification. Après le cheikh, il dit wal amr athani al-hadd ala ahli as-sunnah ala ittiba' as-sunnah al-hadd ala ittiba' as-sunnah wa dhalikum annahu idha dhahara lil-muslim baqa'u ahli as-sunnah wa annahum la yafnuna bil-kulliyah ونصرهم على من خالفهم وإن اجتمع عليهم من أقطار الأرض من بأقطار الأرض هذا يزيد المسلم تمسكا بما هو عليه من سنة النبي صلى الله عليه وسلم وما أحسن ما قاله الفضيل بن عياض رحمه الله عليك بطرق الهدى ولا يضرك قلة السالكين وإياك وطرق الضلالة ولا تغدر بكثرة الهالكين فالسنة السنة يا عباد الله. Donc le cheikh dit la deuxième chose par rapport à ce hadith, c'est l'incitation de suivre la sunna. Et ça c'est par le fait que lorsque le musulman sait que les gens de la sunna vont toujours être présents, hein, et qu'ils vont toujours, ils ne vont pas être éliminés ou exterminés complètement, et ils ne vont pas disparaître complètement, et qu'ils vont toujours être victorieux contre ceux qui s'opposent à eux, même si les gens de toutes les régions de la terre se réunissent contre eux, eh bien ça augmente le musulman en fermeté, et ça l'aide à s'accrocher encore plus fort à la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et comme est belle la parole de Al-Fudayl ibn Iyad, rahimahullah, lorsqu'il dit, accrochez-vous aux voies de la guidance, et que le peu de nombre qui emprunte cette voie, que leur petit nombre ne te nuise pas. C'est-à-dire, ne te laisse pas éloigné de cette voie-là à cause du peu de gens qui l'ont emprunté ce chemin. Et il dit, et prends garde aux voies de l'égarement et ne te laisse pas tromper par la quantité de gens qui vont périr. Parce que beaucoup de gens sont influençables et ils aiment être avec le plus grand nombre tout le temps, d'accord. Donc quand ils voient par exemple que ils sont par exemple dans un grand nombre de personnes et ils suivent beaucoup de gens qui sont avec eux, ils s'imaginent que ça c'est la preuve que qu'est-ce qu'ils suivent c'est la vérité. Et s'ils voient des gens qui sont peu nombreux, eh bien ils s'égarent. Et ça, c'est quelque chose que j'ai constaté des fois. Il y a des gens qui sont dans un pays, par exemple, où ils sont entourés de gens qui sont sur la sunna et sur la salafia. Et tu les vois, dans ce cas-là, ils sont fermes, accrochés à la sunna. Et si, par exemple, ils déménagent ou ils partent ailleurs dans un autre pays où les gens de la sunna sont minoritaires, eh bien, ils s'allient avec les gens de la bid'a et ils ne restent pas avec les gens de la sunna. Parce que les gens de la sunna dans ce pays-là sont minoritaires et sont faibles. Donc, en réalité, tu vois que ces gens-là, ils ne s'accrochaient pas aux gens de la vérité parce qu'ils sont sur la vérité, mais ils s'accrochaient avec eux, ils s'accrochaient à eux et ils restaient avec eux uniquement parce qu'ils étaient plus nombreux. Et ça, j'en ai vu beaucoup de gens comme ça, malheureusement. Et c'est pour dire que il y a beaucoup de gens qui en apparence peuvent donner l'impression qu'ils sont accrochés à la sunna, mais c'est uniquement parce qu'ils suivent les autres. Puis quand tu les mets dans un autre contexte où ils sont minoritaires, eh bien tu vois qu'ils commencent à changer et ils suivent autre que ce qu'ils suivaient auparavant. Donc le cheikh il dit, alors accrochez-vous à la sunna, restez avec la sunna, ô serviteur d'Allah. Puis il dit ensuite, وَثَمَّتَ أَمْرٌ ثَالِثٌ تُومِي الْأَحَادِيثِ إِلَيْهِ إِمَاءً وَهُوَ أَنَّهُ يَجِبُ عَلَى الْمُسْلِمِينَ أَنْ يَكُونُوا حُمَاةً لِبَيْضَةِ الْإِسْلَامِ وَأَهْلِهِ وَأَنْ لَا يُعَرِّضُوا أَنْفُسَهُمْ لِأَعْدَاءِ الْإِسْلَامِ وَالسُّنَّةِ وَبِهَذَا تَعْلَمُونَ بُطْلَانَ الْمَقُولَةِ سَنُقَاتِلُ عَنْ أَرْضِنَا حَتَّى آخِرَ قِطْرَةٍ مِنْ دَمِنَا أو من دمائنا. لا، الواجب على المسلم أن يحمي بيضة دينه وحوزة دينه ويجتهد في حمايتها. ألم يصالح رسول الله صلى الله عليه وسلم قريشا وهم مشركون على شروط قاسية ممن استاء منها وتذمر منها عمر بن الخطاب رضي الله عنه؟ لماذا؟ من أجل حماية الإسلام وأهله. ولم يقل أنا رسول الله، ها أنا ذا قادم سأرمي، إن الله ناصري. Donc le cheikh il dit, y a une troisième chose qui est indiquée par ces hadiths-là, et c'est le fait que le musulman a la responsabilité et l'obligation de défendre sa religion, la religion de l'islam et les musulmans. Il a cette responsabilité-là. Le cheikh, il explique que ce point-là, c'est très important, parce que on remarque malheureusement que peu de musulmans ressentent cette responsabilité-là, le fait d'avoir la responsabilité de défendre l'islam. Et en même temps aussi, des fois, tu dis, est-ce que c'est parce que les gens ne veulent pas défendre l'islam, ou est-ce que c'est parce qu'ils ne sont pas capables de défendre l'islam? Donc, quand tu regardes la situation de certains musulmans, tu dis, subhanallah, même des fois quand c'est le moment de dire une parole de vérité et de clarifier la vérité de l'islam pour des gens qui critiquent l'islam ou des gens qui disent des choses fausses sur l'islam, quand c'est le temps de dire la vérité et d'expliquer aux gens la vérité de l'islam, tu vois que ils ne prennent pas la position nécessaire et ils n'expliquent pas les choses comme il faut les expliquer, Donc, il commence à tourner en rond et à dire des choses, des fois, qui sont contraires à la vérité. Alors, on dirait qu'on n'a pas pris la conscience de l'obligation de défendre cette religion-là. Quand on voit des choses comme ça, même des fois, ces gens-là qui agissent de cette manière sont parfois des imams, sont parfois des gens qui connaissent des choses sur la religion. Et malgré tout, ils déforment la réalité pour sauver leur peau ou bien garder leur position ou des choses de ce genre. Donc ça c'est des épreuves, et donc le cheikh il dit, il est obligatoire pour le musulman de défendre l'islam et de pas se mettre à la merci dans une situation où il va être à la merci des ennemis de l'islam et de la sunna. Donc vous connaissez maintenant, à partir de ça vous pouvez savoir la fausseté de la personne qui dit, je vais combattre pour ma terre, pour défendre ma terre jusqu'à ma dernière goutte de sang, jusqu'à ma dernière goutte de sang. Le cheikh il dit non, l'obligation pour le musulman c'est pas de défendre sa terre, mais premièrement c'est de défendre sa religion, c'est de défendre sa religion et de défendre sa religion et de faire des efforts pour la protéger. Il dit, regardez le prophète sallallahu alayhi wa sallam, n'est-ce pas qu'il a fait une entente avec les mouchriquins de Quraysh pour pouvoir préserver l'islam et les musulmans, alors que dans cette entente qu'il a signée avec les gens de Quraysh, il y avait des conditions très dures pour les musulmans, c'est-à-dire des conditions même défavorables, c'est-à-dire que dans cette entente que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a signée avec les mouchriquins, les mouchriquins avaient l'avantage dans cette entente. Les consignes ou les éléments de l'entente, certains de ces éléments-là comprenaient des certains compromis même, même l'entente elle-même, pour que les mouchriquins acceptent de la signer, ils ont même demandé d'enlever des choses que le prophète sallallahu alayhi wa sallam avait mis, lorsqu'il a écrit une entente entre le messager d'Allah, il a écrit Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Les mouchriquins ont dit, nous on ne connaît pas ar-Rahman sauf Rahman al-Yamama. Il a dit, enlevez-le. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, ok, écrivez seulement Bismillah. Et après ils ont écrit Min Muhammad Rasulillah, Muhammad le messager d'Allah. Eux ils ont dit, si on avait cru que tu es le messager, on n'aurait pas combattu contre toi. Alors le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit à Ali radiallahu anhu, efface-le, efface Rasulullah et écrit Muhammad ibn Abdillah. Il dit, de toute façon Allah il sait que je suis son messager, et dans les clauses de cette entente, il y avait des conditions qui disaient que si par exemple un musulman quitte Médine pour aller à la Mecque, rejoindre les mouchriquins, il pouvait rester. Mais que si un musulman quitte la Mecque pour venir à Médine avec les musulmans, on devait le renvoyer aux mouchriquins. Et des conditions comme ça. Donc, même Omar ibn al-Khattab, radiallahu anhu, il a été choqué par cette entente-là. Et il ne comprenait pas la sagesse derrière. Parce qu'il considérait que les musulmans sont supérieurs, c'est-à-dire les musulmans ont la supériorité. Ils doivent ne pas faire de compromis dans ces choses-là. Ils doivent avoir l'avantage dans cette entente-là et pas être perdants dans cette entente, ou bien avoir des clauses qui sont défavorables. Exactement. Donc, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a dit, je suis le messager d'Allah et je ne lui désobéis pas. Et il s'est avéré que cette entente a été fathan mubina. Allah subhanahu wa ta'ala l'a appelé une victoire éclatante, une victoire évidente. Et surat al-fath qui a été révélé justement à propos de ça. Et Allah l'a appelé une grande victoire. Pourquoi? Parce que c'est à partir de cette paix, de cette entente de paix avec les mouchriquins, que la da'wah a pu rayonner dans toute la péninsule arabe. Et pendant cette période de presque 10 ans, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a pu se concentrer sur l'enseignement, sur l'éducation, sur l'explication. Et c'est ainsi que des gens sont rentrés par groupe dans l'islam. Donc, tout ça c'est pour dire que, comme le cheikh il explique, il faut défendre notre religion. Et c'est ça le plus important. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il n'a pas dit, non, me voici, je vais les frapper, je vais les attaquer et Allah va me défendre et il faut les combattre à tout prix. Non, il n'a pas fait ça le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Donc, il faut mettre la priorité dans le fait de vouloir défendre l'islam et protéger l'islam. Et comme j'ai dit, protéger et défendre l'islam, c'est pas seulement avec les armes comme certaines personnes s'imaginent aujourd'hui, mais c'est avant tout de défendre la vérité, défendre l'islam avec les preuves et les arguments. Hein? Et l'islam, il a ouvert les cœurs avant d'ouvrir les contrées par l'épée. Hein? À Mecca, les gens sont rentrés dans l'islam, le prophète sallallahu alayhi wa sallam n'avait aucune armée, hein? aucune épée. Il leur expliquait seulement les significations de la ilaha illallah, Muhammad Rasulullah, et il les appelait au tawhid, il les appelait au bon comportement. Et les gens ont compris l'importance de l'islam par ces exemples, hein, par ces principes-là. Puis ils sont rentrés dans l'islam. Et c'est uniquement une fois que l'islam est entré dans les cœurs des gens, par la foi, que par la suite, ils ont pu justement accepter le reste des principes de l'islam et prendre l'épée et défendre la religion par la force également, pas seulement par la preuve, mais également par l'épée aussi. Le hadith suivant, c'est le hadith rapporté selon Jabir ibn Abdullah radiyallahu anhuma. قال كنا عند النبي صلى الله عليه وسلم فخط خطا وخط خطين عن يمينه وعن خطين عن يمينه وخط خطين عن يساره ثم وضع يده في الخط الأوسط فقال هذا سبيل الله ثم تلا هذه الآية وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله. Donc le cheikh il dit selon Jabir radiyallahu anhu anhuma que le messager d'Allah, en fait il dit que nous étions avec le prophète sallallahu alayhi wa sallam, et le prophète sallallahu alayhi wa sallam il a tracé une ligne dans le sable, il a tracé un trait, un long trait. Et à gauche, il a fait deux traits de cette ligne, à gauche de cette ligne, à droite de cette ligne, il a fait deux traits, et à gauche de cette ligne, il a fait deux traits. Donc il a fait une ligne droite, puis à gauche, il a fait deux traits, à droite, il a fait deux traits. Il a dit, hein, il a pointé sur la ligne droite, qui était au centre, et il a dit, voici le chemin d'Allah. Puis il a récité le verset. Voici le verset 153 dans Sourate Al-An'am, dans lequel Allah subhanahu wa ta'ala dit « Voici mon chemin droit dans toute sa droiture et sa rectitude, alors suivez-le et ne suivez pas les petits sentiers qui vous diviseront de son chemin. » Le cheikh explique maintenant ce hadith qui est un hadith sahih. Il dit « هذا الحديث في هذا الحديث فائدتان » Il dit « Dans ce hadith, il y a deux points bénéfiques à expliquer. » الفائدة الأولى وهي محل الشاهد الحض على اتباع السنة وهذا يظهر أولا من الآية وأن هذا صراطي مستقيما وثانيا من صنيع النبي صلى الله عليه وسلم فإنه وضع يده في الخط الأوسط وقال هذا سبيل الله وهذا تنبيه منه صلى الله عليه وسلم بل هو نص إلى أن السنة وسط لا إفراط فيها ولا تفريط وسط بعيد عن الغلو والجفاء. Donc le cheikh il dit, le premier point bénéfique qu'on peut tirer de ce hadith, c'est en fait même le point dont on veut qu'on veut établir en fait par ce hadith là, c'est de suivre la sunna. De suivre la sunna. Et ça, c'est apparent lorsque il cite le verset 153 dans Sourate Al-An'am. Il dit, et voici mon chemin droit, dans toute sa rectitude. Le chemin droit, c'est la sunna. Et il dit, deuxièmement, on voit l'exemple même du prophète sallallahu alayhi wa sallam, qui met sa main sur le trait droit, et qui dit, ceci est le chemin d'Allah. Et ça, c'est pour indiquer de sa part, sallallahu alayhi wa sallam, que, hein, ça c'est même un texte de la sunna, que, il faut, la sunna est un chemin du juste milieu et qu'il ne, on ne doit pas être dans l'extrême, ni dans le laxisme, ni dans l'extrémisme ou l'exagération. Et il faut être loin de l'exagération et loin du laxisme aussi. Donc il faut être dans le juste milieu. Le point numéro 2, al-fa'idatu thaniya min fiqhihi sallallahu alayhi wa sallam ma ataahu Allah min al-fiqh wa jama'a lahu min al-kalim wa ikhtasarahu lahu ikhtisaran annahu daraba lil-ummah mathalan mahsusan liya'lamu ala ma huwa ma'nawi. إذن تشبيهه المعنوي الواجب بالأمر المحسوس. فالخط المرسوم الذي سماه سبيل الله هذا هو محسوس، وسبيل الله هذا أمر معنوي، ومنه ما هو حسي ولكن القاعدة معنوية. وهذا الحديث له روايات متعددة، وجملتها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم حض الأمة على التمسك بسنته والبيان بأنها هي الوسط وهي طريق النجاة، وأن ما عدا السنة من المحدثات والبدع هي سبل الشيطان وليست هي سبيل الله. فإذا الحديث تتضمن أو تضمن بالإضافة إلى الحظ على السنة الحذر من البدعة وأنها مهلكة، وإن رآها الناس حسنة، وذلك دليل على أنه ليس من البدعة ما هو حسن، وأن البدع كلها ضلالات. وهذا حكم نبينا صلى الله عليه وسلم، كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة، وإن كانت تختلف في حكمها ولكنها كلها مجتمعة في الضلالة. Donc le cheikh il dit comme deuxième point que parmi les compréhensions du prophète صلى الله عليه وسلم de ce que Allah subhanahu wa ta'ala lui a donné comme compréhension, et il lui a donné également les paroles qui sont résumées et qui détiennent une grande signification. Des paroles courtes, des paroles simples, mais remplies de sens. Ce qu'on appelle en arabe « jawami'ul kalim ». Ça, c'est une des choses qui sont spécifiques au prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et il a donc donné cet exemple d'une chose qui est abstraite par l'exemple de quelque chose de concret. Il a donné l'exemple d'une chose abstraite par l'exemple d'une chose concrète. Le fait qu'il parle du chemin d'Allah, qui est une chose abstraite, en la dessinant par un trait pour la désigner, pour donner l'exemple aux sahabes, pour faire comprendre, en traçant un trait sur le sol. Et ça, c'est quelque chose de concret. Et le cheikh, il dit, les narrations de ce hadith-là sont nombreuses. La plupart d'entre elles expliquent que, ou la grande majorité d'entre elles indiquent que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a incité la umma de s'accrocher à sa sunnah. La sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et c'est pour expliquer que c'est le chemin du juste milieu et c'est le chemin du salut. Et que ce qui est en dehors de la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam parmi les font partie des innovations et font partie des choses inventées. Et elles représentent en réalité les chemins du diable, les chemins du shaitan. Elles ne sont pas du chemin d'Allah. Ne font pas partie du chemin d'Allah. Et c'est les traits qu'il a dessinés à gauche et à droite de ce trait droit. Et ça comprend en plus donc l'incitation en plus de suivre la sunna, la mise en garde contre les innovations aussi. La mise en garde contre les innovations et le fait que ces innovations-là sont des choses qui amènent à la perte et à la perdition. Même si les gens les voient ou les considèrent comme étant des choses bonnes. Hein, beaucoup de gens disent, oui, ça c'est une bonne innovation, c'est une bonne bid'a. Non, les bid'a ne sont pas bonnes, il n'y en a pas de bonnes bid'a. Toutes les bid'a sont des égarements. Et le prophète, notre prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, il a dit, toute invention est une bid'a, et toute bid'a, toute innovation est égarement. Sans exception. Il n'y a pas une exception à cette règle. C'est une règle générale. Toute bid'a dans la religion est une égarement, est une forme d'égarement. Même si les gens pensent que c'est quelque chose de bien. Et le cheikh, il dit ensuite, donc, même si les gens peuvent parfois diverger à leur sujet, à son sujet, mais une chose sur laquelle ils sont tous d'accord, c'est que c'est de l'égarement. Naam. Ça, c'est ce qui vient compléter cette explication de ce hadith. Je crois qu'on va s'arrêter ici, puis on va continuer la suite de ça au prochain cours, inshallah. Subhanakallahumma bihamdik. أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين